إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, inshallah, c'est une conférence qui s'appelle ou qui s'intitule Bayan al-Tawhid wa al-Tahdhir min al-Shirk, la clarification du Tawhid et l'avertissement contre le Shirk. Ce sujet dont on va parler aujourd'hui, Aqidat al-Tawhid, l'Aqidat du Tawhid, c'est la base de l'islam, c'est le cœur de la religion musulmane. C'est-à-dire que quelqu'un peut faire la salat, quelqu'un peut faire le jeûne de Ramadan, quelqu'un peut faire la zakat, quelqu'un peut faire le hajj, quelqu'un peut avoir birrul walidain, quelqu'un peut avoir toutes les obligations de l'islam et faire tout ce que Allah ordonne. Une femme peut mettre le hijab et un homme peut avoir le qamis et la barbe. Mais s'il n'a pas le tawhid, donc quelqu'un peut faire toutes les applications et les obligations dans l'islam, mais s'il n'a pas le tawhid, toutes ses actions, toutes ces choses-là qu'ils pratiquent n'auront aucune valeur. Elles ne seront même pas acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne sera même pas considéré comme étant un musulman tant qu'il n'a pas respecté et appliqué et cru comme il faut correctement en ce que signifie le tawhid. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Ça signifie que l'islam à la base c'est une aqidah. L'islam, à la base, c'est une croyance. Et ça part par la croyance. Ça part de la croyance. Et sans cette aqidah, il n'y a pas d'islam. Même s'il y a le reste de toutes les autres applications, s'il n'y a pas le tawhid, il n'y a pas d'islam. Et étrangement, à l'époque actuelle, à l'époque où on vit, cette question et ce sujet qui est le tawhid, c'est devenu un sujet tabou chez beaucoup de musulmans. Et chez beaucoup, pour plusieurs prêcheurs et pour plusieurs organisations et groupes islamiques, le sujet de la aqidah, de la croyance islamique et le sujet du tawhid est devenu tabou. Et on n'en entend jamais parler de la part des musulmans. Comme si c'était quelque chose qu'on ne devait pas mentionner. Et il y en a qui ont comme argument ou comme excuse pour ne pas en parler, c'est de dire que si tu parles du tawhid et si tu parles de aqidah, ça va diviser les musulmans. Et ça, c'est un grave problème. Si le tawhid nous divise, qu'est-ce qui va nous unir? Le shirk, les bid'ah, les égarements. Donc ça, c'est très important de comprendre qu'au contraire, le tawhid, c'est ça qui va nous unir. Et c'est uniquement sur le tawhid qu'on peut s'unir. Et donc, c'est important de bien comprendre cette notion et cet aspect de l'islam. Donc, Inch'Allah, on va lire ensemble les paroles du Cheikh Saleh Al-Fawzan dans une des conférences qu'il a données à ce sujet-là, puis ça va nous aider à avoir une meilleure compréhension du Tawhid et de la Aqidah de l'Islam, qu'est-ce que ça signifie. Et c'est un rappel pour ceux qui le connaissent déjà, hein, et ça c'est jamais mauvais de se rappeler. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et pour ceux qui ne savent pas, ça va les aider à comprendre mieux et à avoir une meilleure connaissance justement de ce point de l'islam, de cette partie de la religion. Donc le Cheikh il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah Rabbil Alameen, خلق الخلق ليعبدوه ونهاهم عن الشرك وبين لهم خطره ليجتنبوه والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ولجهاد الكفار والمشركين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن الإيمان بالله عز وجل معناه الاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء وأنه المستحق للعبادة وحده وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل عيب ونقص وهذا الاعتقاد يقتضي العمل بما أمر به واجتناب ما نهى عنه ففي الطليعة ما أمر به وفي طليعة ما أمر به التوحيد وفي طليعة ما نهى عنه الشرك. Donc le cheikh il explique en commençant, en premier il dit que la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la création pour qu'il soit adoré, pour qu'on l'adore. Et il nous a interdit de commettre le shirk. Et le shirk c'est quoi? On va l'apprendre, on va le lire en détail tout à l'heure, mais c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, d'offrir à autre que Allah une forme quelconque d'adoration. Et il nous a expliqué le danger du shirk pour qu'on puisse s'en écarter. Et paix et salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a été envoyé à l'humanité comme une miséricorde, pour également pour lutter contre les koufars et les mouchriquins. Et en plus la paix et le salut sur ses fidèles et sur ses compagnons et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière jusqu'au jour de la résurrection. Ensuite, il dit que al-imanu billahi, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, sa signification, c'est d'avoir la ferme conviction que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur de toutes choses, le Maître de toutes choses, et que c'est lui qui mérite l'adoration, lui seul, personne d'autre que lui ne mérite l'adoration ou al-ibadah, et qu'il est purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection ou de toute faiblesse ou de tout défaut. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune faiblesse, n'a aucun défaut, n'a aucune imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est décrit par les attributs et les qualités de perfection. Hein? Il est celui qui a tous les plus beaux noms et les attributs de perfection. Et cette croyance, elle implique qu'on agisse selon ce qu'il nous a ordonné et qu'on s'écarte de ce qu'il nous a interdit de faire. Et le plus haut ou la plus grande des choses qu'il nous a ordonné de faire, c'est le tawhid, de l'unifier dans notre adoration. Et la plus grande des choses contre laquelle il nous a interdit de faire, le pire des péchés, le plus grand de tous les péchés, la plus grande de toutes les désobéissances, c'est le shirk. Hein? Et il n'y a pas rien de plus grave que le shirk comme péché. Même, par exemple, hein, que ce soit par exemple de tuer, le shirk c'est plus grave que ça. Manger du porc, le shirk c'est plus grave que manger du porc. Zina, le shirk c'est plus grave que le zina. Riba, le shirk c'est plus grave que riba. Il n'y a pas un péché qui est plus grand que le shirk. Et pourtant, quand tu fais le shirk, est-ce que tu fais du mal à quelqu'un devant toi? Quand quelqu'un commet le shirk, est-ce qu'il est en train de frapper quelqu'un ou de battre quelqu'un ou de faire le zina ou de voler ou de faire du mal? Non. Pourtant, c'est le plus grand de tous les péchés. Hein? Il n'y a pas un péché qui est plus grand que ça, et on va voir les détails de ça plus tard. وإذا كان الأمر كذلك فهذا يقتضي ما فيقتضي منا بيان التوحيد وبيان الشرك ليكون المسلم على بصيرة من دينه فيتجنب الشرك ويتمسك بالتوحيد فنقول وبالله التوفيق. Donc il dit, si c'est ainsi, si c'est la question du tawhid, la question du shirk a toute cette importance là, alors c'est, mais ça nécessite de notre part qu'on l'explique et qu'on le clarifie pour les musulmans, pour que chaque musulman soit en train de pratiquer sa religion avec compréhension et avec connaissance, et pour qu'il s'écarte du shirk et pour qu'il s'accroche au tawhid. Et donc on va dire, on va expliquer en détail maintenant. بيان التوحيد التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وهو ثلاثة أنواع توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. Ça c'est un résumé, en introduction le cheikh il explique que le tawhid, premièrement si tu veux comprendre le mot tawhid d'où ça vient de wahada, le verbe wahada yuwahidu, tawhidan, wahada ça veut dire d'unifier quelque chose, de le rendre un ou unique. Et le tawhid, quand on l'utilise dans le sens islamique, ça veut dire d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de rendre ton adoration uniquement pour lui, et de ne rien offrir de ton adoration à autre que lui. C'est à lui seul que tu dois prier, c'est pour lui seul que tu dois jeûner, c'est lui seul que tu dois invoquer lorsque tu as un problème, c'est à lui seul que tu dois demander si tu as besoin de quelque chose, et non pas à une créature. Et donc, le tawhid, les ulama l'ont expliqué en trois catégories. Et quand on regarde dans le Coran, on retrouve les versets qui nous clarifient et qui nous expliquent que le tawhid, il est composé de ces trois catégories-là. La première catégorie, c'est tawhid al-rububiyya. Tawhid al-rububiyya, on va l'expliquer ce que ça veut dire. Mais ça vient du mot Rabb, c'est-à-dire le Seigneur. Et donc, c'est de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses, celui qui contrôle tout. Ensuite, il y a tawhid al-uluhiyya. Al-uluhiyya qui vient du mot ilah. Ok? Et al-ilah, c'est en arabe al-ma'aboud, la chose qui est adorée. Al-ilah, c'est celui qui est adoré. Ok? Et donc, al-uluhiyya, ça veut dire le tawhid dans l'unicité d'Allah dans l'adoration. D'unifier Allah dans ton adoration. Et tawhid al-asma'i wa sifat, c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Et ça, c'est la troisième catégorie de tawhid. النوع الأول توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للعالم المدبر لشؤونه وأنه الرازق المحيي المميت الذي له ملك السماوات والأرض والإقرار بهذا النوع مركوز في الفطر لا يكاد ينازع فيه أحد حتى إن المشركين الذين بعث فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون به ولا ينكرونه كما ذكر الله عنهم في مثل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. Donc le cheikh il dit, la première catégorie de tawhid qu'on a mentionné, c'est le tawhid ou l'unicité d'Allah dans al-rububiyya, c'est-à-dire le fait de croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui est le créateur de ce monde, qui est le seul qui contrôle toutes les affaires qui se produisent dans ce monde, qui est le seul qui donne le risque, et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir, et c'est lui qui possède tout le royaume des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui existe excepté que ça lui appartient et que c'est lui qui l'a créé, et c'est lui le maître de toutes choses. Et donc, de croire en tawhid al-rububiyya, ça veut dire de croire en ça avec fermeté, et cette catégorie de tawhid, elle est déjà inscrite dans la nature profonde de chacun d'entre les êtres humains sur la terre. Tout le monde est conscient de ça au fond de lui. Même les kuffars que vous allez trouver, par exemple, des athées, des gens qui disent « Non, moi je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas en l'existence d'un créateur ou de Dieu. » Même celui-là, au fond de son cœur, il le sait. Il croit que Allah existe et il le sait au fond de lui, mais c'est par l'orgueil qu'il refuse de le reconnaître. Mais sinon, au fond de lui-même, il sait que Allah existe. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne justement à propos de Pharaon, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. C'est-à-dire, ils ont nié les signes qui sont venus d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que dans leur cœur, dans leur âme, ils étaient convaincus de ça. Mais à cause de leur orgueil, à cause de leur arrogance, ils refusaient de le reconnaître. Et ça, c'est l'attitude de tous les athées aujourd'hui, et de tous ceux qui prétendent nier l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent qu'Allah existe au fond de leur cœur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça dans leur fitra. Ça, c'est la fitra de chaque être humain. Mais c'est l'orgueil et l'arrogance. Et souvent, ces gens-là, quand ils sont dans des moments de détresse, et quand ils craignent pour leur vie, et ils croient que ça y est, c'est fini, la mort arrive, et là, tu les entends commencer à crier « Oh mon Dieu, aide-moi !» Parce qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent. Ils savent qu'il y a un créateur qui les a créés. Et le chef, comme il le dit ici, il dit « Mais la majorité des êtres humains, donc ceux qui nient l'existence d'Allah sont une petite minorité. La grande majorité des êtres humains, ils reconnaissent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le problème qu'ils ont, c'est que malgré qu'ils reconnaissent son existence, quand ils ont quelque chose, quand ils ont besoin de quelque chose, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala seul, ils demandent à une créature. Il passe par une idole ou il passe par un être humain qui est mort, enterré dans une tombe, et il demande l'intermédiaire ou l'intercession de cet être humain-là qui est enterré pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le shirk. Ou bien il passe par le soleil ou par la lune ou par les étoiles ou bien par d'autres représentations. C'est ça le shirk. Et le shirk, il donne comme exemple, il dit que même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été envoyé aux mushrikines à l'époque, aux Arabes de Quraysh, eh bien même les Arabes de Quraysh à cette époque-là, ils savaient que Allah existe. Il savait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur, il savait que c'est lui qui est celui qui contrôle tout, et que c'est lui qui donne la subsistance et qui fait vivre et qui fait mourir, ils le savent. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne des versets qui parlent de ça dans le Coran, comme le verset 31 dans Surah Yunus, où Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux mushrikines et de leur demander, dis, qui vous donne votre subsistance des cieux et de la terre, et qui détient lui et la vue? Et qui fait sortir la vie du mort, et qui fait sortir la mort de la vie, et qui contrôle toute l'affaire, ils répondront Allah. C'est-à-dire, ils répondent à toutes ces questions-là, ils disent, c'est Allah qui fait tout ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, afala tattaqoun, faqul afala tattaqoun. Alors, dis-leur, ne craignez-vous donc pas, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous savez tout ça, et vous acceptez tout ça, et vous êtes d'accord avec ça, puis que par la suite, vous allez adorer vos idoles, vous allez adorer les images et les statues que vous avez, créé avec vos propres mains. Donc, ça, c'est des preuves que ces gens-là, ils reconnaissent. Et le cheikh dit ensuite, وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ طَوَائِفِ الْعَالَمِ إِنْ كَارَ هَذَا النُّوْعِ إِلَّا شَوَاذٌ مِنْ مَجْمُوعَةِ الْبَشَرِيَّةِ إِلَّا شَوَاذٌ مِنَ الْمَجْمُوعَةِ الْبَشَرِيَّةِ أنكرته في الظاهر مع الاعتراف به في قرارة أنفسهم أو في قرارة نفوسها وإنما أنكرته مكابرة وعنادا كما قال تعالى عن فرعون ولقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Donc, le cheikh, il confirme ce que j'expliquais tout à l'heure. Il dit, on a, parmi tous les groupes des êtres humains, les différentes sectes, les différentes religions qui existent dans le monde, on n'a pas connu de groupe parmi eux qui niait l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, excepté quelques petites infimes exceptions dans l'humanité. Et ils ne font que le nier dans l'apparence en réalité, parce que dans la réalité, au fond d'eux-mêmes, ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Ar-Rab, c'est lui le maître. Et ils mentionnent qu'ils le nient par orgueil et par arrogance, et par fierté, hein, et non pas parce qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a des kuffars aujourd'hui, vous allez leur dire, hein, est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois qu'il y a un être suprême qui a créé le monde? Ils vont dire oui. Et là, tu vas leur dire, d'accord, donc viens, on va se prosterner ensemble et on va l'adorer. Ils disent, non, je ne veux pas mettre ma tête par terre, je ne veux pas me prosterner. Par arrogance, par fierté, parce que même s'il reconnaît qu'il y a un créateur, qu'il y a un maître, il ne veut pas mettre sa tête devant, par terre devant ce créateur et ce maître. Parce qu'il est fier, hein. Il dit, quoi, moi je vais mettre ma tête par terre? Non, jamais. Ça, c'est le kibr, hein. C'est ça l'orgueil et l'arrogance de certains êtres humains qui refusent de s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc, le cheikh il mentionne le verset 102 dans Surat al-Isra, dans lequel Fir'aun il mentionne justement Moussa il mentionne à Fir'aun, il dit à Fir'aun, tu sais très bien que tous les signes qui sont tombés en Égypte, c'est Allah subhanahu wa ta'ala seulement qui les a fait descendre. Et tu sais ça avec certitude, hein. Il le savait, Pharaon, que qu'est-ce qui se produisait, les signes, les malheurs qui tombaient sur l'Égypte à son époque, que lorsque Moussa est venu lui parler. Tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le faisait descendre, et ça, il le savait. Et il mentionne le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, le verset 14 dans Surat An-Naml, et ils ont nié ce que Moussa venait leur dire, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils en avaient la ferme conviction, ils étaient convaincus de ça, mais ils le niaient par injustice et par fierté, par arrogance, par orgueil. Et il mentionne le verset 36 dans Surat al-Ankabut, la même chose, à propos de Ad et à propos de Samoud. Hein, et il dit que le shaitan leur a embelli leurs actions et leur a bloqué le chemin, et alors qu'ils avaient la compréhension et la connaissance complète de ce que leur prophète venait leur enseigner. وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. Donc ça c'est la première catégorie de tawhid, et ça c'est la preuve que si quelqu'un dit je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de personne qui a créé le monde excepté lui, que ce n'est pas suffisant pour qu'il soit un croyant. Même si quelqu'un dit ça, il n'est pas encore un musulman. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que quand on appelle quelqu'un à l'islam, ce n'est pas juste de lui faire dire par exemple, comme certains le disent, il faut que tu crois que c'est juste Allah qui a créé le monde. Ce n'est pas suffisant. Il faut après ça que tu lui expliques qu'il faut que tu arrêtes d'adorer tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu affirmes que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui doit être adoré. Et donc si c'est un chrétien, il doit arrêter d'adorer Jésus, il doit cesser d'adorer Jésus, il doit cesser d'adorer Marie, il doit cesser d'adorer les autres saints et les croix et les images et les statues. S'il n'arrête pas de les prier et qu'il dit la ilaha illallah, ça ne servira à rien, parce qu'il n'a pas arrêté de faire le shirk. S'il n'a pas arrêté de faire le shirk, son témoignage de la ilaha illallah ne vaut rien, n'aura pas de valeur. Et la même chose pour quelqu'un qui est musulman. S'il dit je dis la ilaha illallah, puis il adore d'autres avec Allah, il prie à des morts, il prie à des tombes, il prie à des saints, puis il dit la ilaha illallah, ça n'a aucune valeur. Parce qu'il fait le contraire de la ilaha illallah. Il prie des idoles et des images. Et c'est ça ce qu'on va expliquer maintenant dans la deuxième catégorie de tawhid. Le cheikh il dit an-naw'u thani tawhid al-uluhiyya. Le tawhid, l'unicité d'Allah dans l'adoration. الشيخ الذي وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ويسمى توحيد العبادة، لأن الألوهية والعبادة بمعنى واحد، فالإله معناه المعبود، وهذا النوع هو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا النوع هو الذي يعلنه كل مسلم في قوله لا إله إلا الله، وفي قراءته إياك نعبد وإياك نستعين، وفي كل ركعة من صلاته، وهو الذي يعلنه في تشهده في الصلاة والآذان والإقامة، ويعلنه الخطيب في أول الخطبة، وهو الذي يدخل به الكافر في الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. الشيخ explique que cette deuxième catégorie de tawhid, c'est le tawhid dans l'adoration. Le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, ou l'unification d'Allah dans l'adoration. C'est-à-dire que toutes les formes d'adoration que tu fais, toutes les catégories de ibadah, tu dois les faire uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et on l'appelle cette catégorie-là tawhid al-ibadah, ou bien on l'appelle tawhid al-uluhiyya. Les deux c'est la même chose. Tawhid al-ibadah ou bien tawhid al-uluhiyya, les deux c'est la même signification. Parce que les deux ont la même signification. Ilah, al-ilah et al-ma'boud, ça signifie la même chose. Et quand tu dis la ilaha, ça veut dire la ma'bouda. Hein, c'est la même chose. La ilaha, ça veut dire la ma'bouda. Donc la signification de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas comme certains qui le traduisent incorrectement quand ils parlent en français, ils disent « il n'est de Dieu que Dieu ». Ça, ça veut rien dire, « il n'est de Dieu que Dieu ». Hein? Même les koufars, ils disent ça, « il n'est de Dieu que Dieu ». C'est pas ça qui te fait rentrer dans l'islam. C'est ce qui te fait rentrer dans l'islam, c'est de dire et de comprendre. Lorsque tu dis le shahada, tu dis « il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah ». C'est ça, là, c'est ça ce que signifie réellement la ilaha illallah. Et c'est ça ce qui te fait rentrer dans l'islam si tu le dis avec foi et conviction. Et donc, le cheikh, il explique ça et il dit que cette catégorie de tawhid, c'est le tawhid avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les messagers. Il a créé la création pour ce but, dans ce but-là, dans le but qu'on l'adore. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour ce but-là, pour al-ibadah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعَبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas créé, il nous a pas créé pour autre chose que ça. Et si on ne sait pas ce que ça signifie l'ibada, on a un problème. Hein? Parce que si on ne connaît pas la signification de l'ibada, on risque d'adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala, sans le savoir. Parce qu'on va faire des actes d'adoration, et on va faire du shirk, et on ne saura même pas qu'on est en train d'adorer. Comme les gens qui prient à des tombes ou à des morts, quand ils ont un malheur ou une détresse, ils s'écrient, ils appellent le nom de leur wali ou de leur cheikh pour qu'ils viennent les sauver ou pour qu'ils les aident, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont un problème, ils disent « Ya Abdel Qadir, Ya Tijani, Ya Rifa'i » des noms comme ça, au lieu d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça c'est le shirk. Hein? Donc on doit uniquement invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et appeler Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Et le cheikh il dit donc que l'adoration c'est le but de notre création et Allah subhanahu wa ta'ala tous les messagers qu'il a envoyés et tous les livres qu'il a envoyés c'était dans ce but là, dans le but d'établir et d'expliquer aux hommes cette catégorie là en particulier de tawhid. Et il mentionne le verset 36 dans surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons suscité dans chaque nation un messager qui dit aux hommes, qui leur dit, U'budullah wa ijtanibu ta'arut, adorez Allah et écartez-vous du ta'arut. Le ta'arut, c'est le shaitan, c'est les idoles, c'est tout ce qui est en opposition avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne. Hein? Comme par exemple, les lois qui opposent les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, on les appelle aussi des tawhids. Et les shayatin, on les appelle des tawhids. Et les gens qui appellent, les gens qui disent aux gens adorez-moi, ceux-là sont des tawhids aussi. Et ceux qui demandent pas aux gens de les adorer, mais quand les gens les adorent, ils sont satisfaits de ça. Et ils sont contents de ça. Ça aussi c'est des tawhids. Aussi les tawhids, on peut mettre à l'intérieur des tawhids ceux qui sont des sorciers, sahara. Ou bien les Kohan, ceux qui disent qu'ils connaissent le rêve, et que si tu vas les voir, tu leur demandes quelque chose, comme par exemple, est-ce que je vais avoir un enfant, est-ce que je vais avoir ci, est-ce que je vais avoir ça, est-ce que je vais me marier avec telle personne, et ils prétendent qu'ils peuvent te révéler ces choses-là. Tout ça, ça fait partie des tawarit. Ok? Donc, les prophètes, ils viennent pour dire ça aux hommes. Adorez Allah seul et écartez-vous du ta'arut, de toutes les catégories de ta'arut. Et ensuite il dit, wa qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin, hein, on n'a pas envoyé avant toi un messager excepté pour lui révéler de dire que rien ne mérite d'être adoré. Acceptez-moi, alors adorez-moi. C'est-à-dire, le messager, il transmet le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et il explique que rien ne doit être adoré excepté Allah, alors adorez-le. Et ça c'est une parole, la parole de la ilaha illallah, c'est la parole que chaque musulman déclare, hein, lorsqu'il dit la ilaha illallah, chaque musulman doit déclarer cette parole-là, et il le déclare dans sa lecture du Coran, même dans surat al-Fatiha, dans chaque rak'ah. Tu dis, « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ». Iyaka, ça veut dire quoi? Iyaka, ça veut dire, c'est qu'il n'y a que toi. Iyaka. Il n'y a rien d'autre que toi. Toi seulement. Iyaka na'budu. C'est toi seulement qu'on adore. Wa iyaka nasta'in. C'est uniquement toi, c'est uniquement à toi qu'on demande de l'aide. C'est à toi qu'on recherche, c'est de toi qu'on recherche l'aide. Hein? Donc, dans Surat al-Fatiha, il y a le tawhid aussi dedans. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ça, c'est le tawhid. Le tawhid c'est ça, la ilaha illallah, la na'budu illa iyak, on n'adore que toi, hein? Et c'est ça, on demande l'aide que de toi. Et donc, dans chaque rak'ah, on le dit. Et quand on fait le tashahhud, à la fin de la prière, on le dit. Et quand on fait l'adhan, l'iqara, on le dit. Et dans la khutbah au début, l'imam il le dit. Et pour que kafir rentre dans l'islam, il doit dire la ilaha illallah. Donc c'est la base de l'islam. C'est le cœur de l'islam. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas d'islam. Et malheureusement, c'est une parole que beaucoup de musulmans ont oublié la réelle signification de cette parole. La réelle implication de cette parole. Beaucoup de musulmans l'ont négligé et l'ont pris à la légère. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai été commandé, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils témoignent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Il dit, j'ai été commandé de lutter et de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent La ilaha illallah. Et donc, le cheikh dit, هذا النوع الذي شرع من أجله الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا النوع وهذا النوع هو الذي أنكره المشركون حين دعتهم الرسل إليه. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Donc le cheikh il dit que cette catégorie du tawhid et tawhid al-uluhiyya, c'est pour cette catégorie là et c'est pour c'est pour cette catégorie de tawhid là que le jihad a été légiféré, pour éliminer toute forme de shirk sur la terre, toutes les idoles, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il soit enrayé de la surface de la terre. Parce que la terre appartient à qui? Elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas que sur sa terre, d'autres choses soient adorées que lui. La terre appartient à Allah, elle n'appartient pas à nous, elle n'appartient pas aux hommes, elle appartient à Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne permet pas et n'accepte pas que sur sa terre, d'autres que lui soient adorés. Et c'est pour cette raison-là qu'il a légiféré le djihad. Et il a ordonné dans Sourate Al-Anfal, verset 39, il a dit, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna. Et la signification du mot fitna dans ce verset-là, c'est de shirk. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de shirk. Et que la religion tout entière soit uniquement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc ça c'est la réelle signification du mot djihad. Hein, de lutter pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute et pour éliminer le shirk et l'idolâtrie et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. C'est ça le but. Et non pas qu'est-ce que les gens font aujourd'hui au nom du djihad et qu'est-ce qu'ils font comme désordre et comme terrorisme ou comme attentat ou d'autres trucs de ce genre. Tout ça, ça n'a rien à voir avec l'islam. Le djihad, c'est le djihad que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans le Coran et dans la sunna et comme les ulama l'ont expliqué dans les livres de fiqh, depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, et non pas qu'est-ce que certains écervelés font aujourd'hui dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans, et qui prétendent être en train de faire un djihad, alors qu'ils ne font que le façade sur la terre. Donc le cheikh il explique, il dit, parce que bien entendu le djihad, il faut qu'il y ait un dirigeant musulman, et que ce soit fait, donc c'est ça. Et donc le cheikh il dit, c'est pour cette raison-là aussi, que en fait, c'est cette catégorie de tawhid là en particulier que les mushrikins ont rejeté lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu les appeler au tawhid. Comme on a dit tout à l'heure, tawhid al-rububiyya, les mushrikins, ils n'ont pas eu de problème avec ça. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait Allah existe, il est le créateur, il est le maître de toutes choses, ils ne s'enflaient pas d'orgueil. Mais quand il leur disait La ilaha illallah, il s'enflait d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans ce verset-là, il dit, إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. Mais quand il leur disait, qui a créé les cieux et la terre, hein, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَ اللَّهُ. Donc il y a une différence entre les deux. Quand il leur demande qui a créé les cieux et la terre, ils disent Allah, ils s'enflent pas d'orgueil. Mais quand ils leur disent « dites la ilaha illallah », ils s'enflent d'orgueil. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas abandonner. Qu'est-ce qu'ils adorent en dehors d'Allah? Et c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit, tous les messagers, c'est à ce tawhid-là qu'ils sont venus, appelés les mouchriquins, et c'est cette catégorie de shirk que les mouchriquins ont rejeté aujourd'hui. Et les chrétiens, et les juifs, et les autres aussi, c'est la même chose. Si vous allez voir un chrétien, puis vous lui dites, acceptez l'islam, dites la ilaha illallah, arrêtez de prier à Jésus, arrêtez d'adorer les croix, arrêtez d'adorer Marie, arrêtez d'adorer les saints, ils vont s'enfler d'orgueil, ils vont se fâcher. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, « وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ » Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, lorsqu'on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala lui seul, les gens qui croient pas en l'au-delà, ils se remplissent de dégoût, parce qu'ils veulent pas adorer Allah seul. Mais quand on mentionne d'autres qu'ils invoquent en dehors de lui, là ils se réjouissent. ذلك بأنه إذا قيل لهم ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإذ يشرك وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. Ça c'est-à-dire que lorsque on évoque Allah seul, vous rejetez la foi. Mais quand on fait le shirk avec lui, et qu'on invoque d'autres avec lui, et qu'on adore d'autres avec lui, vous croyez, alors le jugement et le verdict appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le très grand. Donc ça c'est des exemples des gens comme ça. Quand tu leur mentionnes, j'ai eu des débats, des discussions avec des chrétiens plein de fois, tu leur dis écoutez, croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, adorez lui seul. Ils disent non, il faut adorer Jésus aussi. Si tu n'adores pas Jésus, tu es un kafir. Ça, c'est ce qu'ils disent, les chrétiens. Si tu ne pries pas à Jésus, et si tu ne passes pas par Jésus, ta prière ne va pas être acceptée. Ils t'obligent d'adorer un homme, d'adorer un être humain, d'adorer un prophète. Et donc, ça, c'est ça l'égarement des mouchriquins et des kuffars. Et donc, le chef il mentionne les versets, il dit « قَالُوا أَجِئْتَنَا » C'est ça que les mouchriquins disaient dans le verset 70, dans surat al-A'raf, ils ont dit « Est-ce que tu viens nous voir, nous appeler pour nous dire d'adorer Allah seul et d'abandonner ce que nos pères adoraient, d'abandonner ce que nos ancêtres adoraient ?» Mais il y a des gens comme ça aujourd'hui. Ils prient les awliyas, ils prient les tombes, et puis ils disent « Ça c'est nos ancêtres qui faisaient ça, est-ce que toi tu veux nous ramener un nouvel islam ?» Ils pensent que l'islam qu'ils pratiquent, c'était ça l'islam du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et que d'adorer les tombes et d'adorer les morts, que c'est ça la religion de l'islam. Donc ça c'est ça les exemples que Allah sallallahu alayhi wa sallam donne dans le Coran. Le verset 5 dans surat Fad, le mouchrikoun disait, est-ce qu'il a fait de toutes les divinités une seule divinité? Ça c'est une chose étonnante. Il trouvait ça étrange. Et le cheikh dit, wahala, ouais, non. هو الذي يسأل عنه الأولون والآخرون كما قال كما في الأثر كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين وهذا التوحيد هو الذي وهذا التوحيد هو الذي يهل به المحرم بحج أو عمرة حين يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Donc le cheikh il dit que cette catégorie de tawhid, les premiers et les derniers en seront questionnés au jour de la résurrection. Et comme c'est mentionné dans une tradition, dans une athar, il y a deux paroles sur lesquelles les premiers et les derniers seront questionnés. Qu'est-ce que vous adoriez et qu'est-ce que vous avez répondu aux messagers? Et le tawhid, c'est également la parole qu'on prononce lorsque on fait le, le talbiya, quand on fait le hajj, ou quand on va pour la umra, on dit labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk. On dit qu'il n'y a pas d'associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième catégorie de tawhid, et la troisième catégorie de tawhid, النوع الثالث من انواع التوحيد توحيد الاسماء والصفات وهو الايمان بما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم واثبات ذلك على وجه يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل وهو الذي عليه اهل السنه والجماعه قاطبه وما تدين به الفرقه الناجيه وانكره الجهميه وتلاميذهم مخالفين بذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وما عليه سلف الامه وائمتها فنفوا عن الله ما وصف به نفسه من صفات الكمال وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم زاعمين ان اثبات ذلك يقتضي التشبيه لانهم لا يفهمون من صفات الله الا ما يفهمون من صفات البشر فشبهوا اولا ثم عطلوا ثانيا ولم يدركوا الفارق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين وان لله الصفات تختص به وتليق بجلاله كما قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فاثبت لنفسه الصفات ونفى عنه مشابهة المخلوقات فدل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التشبيه كما زعمه الجهمية وأفراخهم من المعطلة ممن لم يقدر الله حق قدره تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وسبحان الله عما يصفون. الشيخ explique que la troisième catégorie de tawhid, c'est de croire en les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs-là. Et il dit que c'est de croire, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a dit dans le Coran à propos de lui-même, comme description et comme attribut, on doit les affirmer, nous aussi. On doit les affirmer tels quels. Et tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme description à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme attribut, on doit les affirmer également. Et c'est-à-dire de les affirmer d'une manière qui convient à la majesté et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans essayer de chercher le comment, hein, parce qu'il a mentionné quatre termes, min ghayri takyif, wala tamthil, wala tahrif, wala tamthil, wala ta'til, wala ta'til. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et ça c'est les règles de base sur lesquelles se basent les gens de Ahl Sunnati wal Jama'a pour affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un respecte ces quatre règles, il est sauvé de l'égarement dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi ces quatre règles? C'est que lorsque tu entends les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu fais pas des takifs. La première chose c'est le takif. Et le takif ça vient de le kif, hein, le comment. Donc tu dois pas essayer d'imaginer dans ta tête comment il est Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment sont ses attributs. Essaye pas de comprendre. Parce que tu peux pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dépasse notre entendement. Hein? Si Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran qu'il a une main, essaie pas de savoir ou d'imaginer la main avec ta tête. Si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-delà de son trône, essaie pas d'imaginer avec ta tête comment il est monté ou comment il est au-dessus de son trône. Essaie pas d'imaginer ça. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, on doit croire comme il l'a dit, qu'il est au-delà de son trône. Mais comment, on ne peut pas savoir. Et on est certain d'une chose, c'est qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a pas de comparaison à faire entre lui et sa création. D'accord? Ça c'est la première chose. Min ghayri takyif. Donc on ne fait pas de takyif, on ne demande pas le comment. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Wa la tamthil. On n'essaie pas de dire qu'il y a une comparaison. Yarhamukallah. On ne fait pas de comparaison entre Allah et la création. C'est-à-dire que même si on dit que les êtres humains, nous, on a une main, qu'on dit qu'Allah, il a une main, mais on ne dit pas que ces deux mains-là ont une ressemblance. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a une main qui lui convient, et nous, les créatures, on a une main qui nous convient à nous. Hein? Et les animaux, ils ont des mains, et ça convient à leur création. Hein? Et la même chose pour les autres attributs. Allah, subhanahu wa ta'ala, il a al-basar. Et nous, on a al-basar. Et les animaux, ils ont al-basar, c'est-à-dire ils ont la vue. Hein? Eh bien, notre vue elle n'est pas comparable à la vue de certains animaux. Hein, eux, ils ont une vue qui leur convient à eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés comme ça. Et nous, on a une vue qui nous convient à nous, les êtres humains. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a une vue qui lui convient à lui aussi. La vue de l'animal est plus perçante que celle des créatures, des hommes. Les animaux, parfois, ils peuvent voir dans le noir. Certains animaux, ils voient très bien dans le noir. Nous, on ne voit pas bien dans le noir, les êtres humains. Certains animaux, ils voient à des distances incroyables. Nous, notre distance de vue est très limitée. Imaginez, alors on ne peut pas comparer ça, on ne peut même pas comparer la vue d'un animal avec celle de l'être humain. Alors comment on pourrait comparer celle de Allah subhanahu wa ta'ala et celle de la créature? C'est impossible. Eh bien, c'est la même chose pour les autres attributs aussi. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ». Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Hein? Donc, on affirme les noms et les attributs d'Allah sans faire de taqif et sans faire de tamthil, sans faire de comparaison et de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Et également, min ghayri tahrif. On ne va pas faire de tahrif aussi. Et tahrif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu vois un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas essayer de déformer sa signification pour que ça soit en accord avec ce que toi tu comprends ou ce que toi tu veux comprendre de ces attributs. Comme par exemple certains parmi les groupes de bid'a, comme les Jahmiya, et les Mu'tazila, et les Asha'ira, et les Maturidiya, et ces gens de Kalam, eux, quand on leur mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, ils disent non, ça veut pas dire la main. En arabe, ils disent al-yad, ça veut dire al-ni'ma. Hein, ils déforment la signification pour nier l'attribut. Et ils vont dire Al-Ain, ça ne veut pas dire Al-Ain, ça veut dire autre chose. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est au-dessus de son trône, ça ne veut pas dire qu'il est au-dessus de son trône, ça veut dire qu'il a conquis le trône, ou des formes de tahrif comme ça. Et ça, ce n'est pas permis de le faire. Ce n'est pas permis de déformer un mot et de le sortir de sa signification réelle, parce que si tu fais ça, tu nies en réalité l'attribut que Allah s'est affirmé. Hein? Et donc, ils ont un problème, ces gens de bid'ah. Ils croient que le fait d'affirmer les attributs à Allah, ça implique une ressemblance. Et donc, ils disent, il faut faire le tahrif. Soit ils déforment le sens du mot réel, et lui donnent une autre signification, ou bien, ils le nient complètement. Et ça, c'est grave. Et donc, nous, on doit affirmer les attributs tels qu'elles sont. Sans essayer de faire des ressemblances, sans essayer de savoir le commun, et sans faire de tahrif, sans déformer la signification. Donc on dit la main, c'est la main. Mais c'est la main d'Allah. On ne la compare pas. Hein? Et le fait qu'on affirme la main, ça n'implique pas qu'il y ait une ressemblance entre Allah et sa création, puisque Allah, il dit, laysa kamithlihi shay, il n'y a rien qui lui ressemble. Et comme dernier point, voilà, ta'til, c'est le fait de nier l'attribut, de nier les attributs d'Allah. Et de les vider de leur sens. Donc, le cheikh, il dit que la position de Ahlul Sunnah wal Jama'a, c'est de croire en les noms et les attributs d'Allah de cette manière-là. Et de respecter ces règles-là lorsqu'on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement aux Jahmiya et à leurs élèves, c'est-à-dire les gens qui ont suivi les Jahmiya. Et Jahm ibn Safwan, c'est à lui qu'on attribue cette secte, les Jahmiya. Et lui, quand il est apparu, il a appelé les gens à nier les attributs d'Allah. Il disait que Moïse n'a pas parlé. Allah n'a pas parlé à Moïse. Et il dit que Allah n'a pas pris Ibrahim comme son Khalil. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il niait la parole, il niait les attributs d'Allah de cette manière. Et donc, yani, à cause de ça, on a attribué cette secte à lui. Jahm ibn Safwan. Et par la suite, il y en a d'autres qui ont. Pourquoi ils sont tombés dans ces erreurs-là et dans ces problèmes-là? C'est parce qu'ils ont commencé à étudier la philosophie grecque et la métaphysique d'Aristote et les autres trucs des Grecs. Et ils ont voulu mélanger l'islam et la philosophie grecque ensemble et interpréter le Coran et la Sunna à la lumière des philosophes grecs de l'Antiquité. Et ils ont, à cause de ça, ils sont tombés dans plein de problèmes, plein d'erreurs, plein d'égarements. Et ils sont tombés même dans le fait de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sens de ces attributs-là. Et ça, c'est le plus grand égarement, parce que c'est la négation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi la différence entre quelqu'un qui dit « je ne crois pas en Allah subhanahu wa ta'ala » et celui qui dit « je crois en tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf que je ne crois pas en tel ou tel ou tel attribut ». Comme si quelqu'un dit « je crois que Allah existe, mais je ne crois pas qu'il voit tout ». Ça, c'est kufr. C'est pas nécessaire que tu rejettes toute l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier pour être un kafir. Si tu nies un seul des noms, une seule des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu as appris dans le Coran et dans la Sunna, ça suffit pour sortir de la foi. Et si quelqu'un, il le nie pas directement, mais il utilise une ruse pour le nier, comme s'il dit, oui, on va l'affirmer dans l'apparence, mais on lui donne une autre signification qui est contraire à sa signification réelle, pour pas affirmer la signification réelle de ces attributs-là, alors là, ça revient au même également. Et c'est dangereux, donc. Et c'est pour ça que les ulama ont averti contre ces groupes-là et contre ces sectes qui déforment et qui nient les attributs d'Allah. Et malheureusement, ces formes de aqidah sont enseignées dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui. Et ils prétendent que c'est ça le tawhid. Ils prétendent que le tawhid, c'est de nier les attributs d'Allah, de ne pas les affirmer, ou de déformer leur signification réelle. Et c'est pour ça que par la suite, vous allez trouver des gens qui disent qu'ils sont musulmans, puis qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est à l'intérieur de leur cheikh. Ou qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, dans toutes choses. Comme certains soufis, il y a qui croient en wahdatul wujud. Donc quand on leur dit ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, on leur dit qu'Allah est au-delà de son trône, ils disent non. On ne croit pas à ça. On dit qu'Allah n'existe pas dans un endroit, il est nulle part. Hein, ils nient que Allah est au-delà de son trône. Et d'autres, ils disent le contraire. Non, il est partout. Ça aussi. C'est un égarement, ça. Ça, c'est shirk. Hein? Tu nies que Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône. Et donc, ça, c'est très important. Parce qu'il y a des gens de bid'ah aujourd'hui, comme les ahbash et d'autres, qui attaquent les musulmans aujourd'hui avec ces shubuhat. Et qui nient les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé et qui prétendent que ceux qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils font du tashbih, ils font des ressemblances entre Allah et sa création. Parce qu'on a dit ce que Allah a dit. Et donc si tu, par exemple, tu parles avec eux, tu leur demandes où est Allah, ils vont te dire, astaghfirullah, t'as pas le droit de demander cette question-là. Pourquoi j'ai pas le droit de demander cette question? Alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a amené une esclave, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a posé la question, où est Allah? Et elle a dit, c'est sa main. Elle a répondu qu'il est au-dessus, dans les cieux. Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux, dans le sens qu'il est en haut de sa création, au-delà de sa création. Et elle a dit, woman ana. Elle a dit, qui suis-je? Elle a dit, anta rasulullah. Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Elle a dit, i'tiqha fa innaha mu'mina. Elle a dit, libère-la car c'est une croyante. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis, lui-même il a posé la question, et il a permis à cet esclave de répondre par cette réponse-là, hein, et il a dit à la fin que c'est une croyante quand il a dit ça, alors comment quelqu'un aujourd'hui peut venir dire on n'a pas le droit de poser cette question? C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a posé lui-même, et ce hadith est dans Sahih Muslim, c'est un hadith sahih, hein. Et la même chose aussi donc, d'affirmer ces choses-là, ça fait partie de la foi, ça fait partie du tawhid aussi. Donc il y en a qui vont te dire non, t'as pas le droit de poser cette question-là. Et si tu, ils te demandent, si tu leur demandes où est Allah, ils se fâchent. Donc, si tu leur réponds par le verset Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, Allah s'est établi au-delà de son trône, eux, ils se mettent en colère. Ils disent, non, non, il faut pas dire ça. Allah, il n'a pas d'endroit, il n'a pas de place. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ar-Rahman wa ala, qu'il est au-delà de son trône, et toi, tu dis, il n'a pas de place. C'est quoi la place? De toute façon, nous, comme les ulama ont dit, on affirme ce qu'Allah a affirmé. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié, on le nie. Et ce qu'il n'a pas mentionné, on s'arrête et on ne dit rien. Donc, en ce qui concerne les noms, c'est ça que les philosophes ont fait. Ils ont ramené l'espace et la place et les endroits. Ils ont dit, est-ce que tu dis qu'Allah a un endroit pour mettre des choubhas dans la tête des gens? Pour commencer à leur faire réfléchir, à leur faire rentrer dans la philosophie avec ces idées-là. Hein, pour leur faire dire, oui c'est vrai, est-ce qu'il est dans un endroit, hein. Et quand on a posé cette question-là à l'imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Ahmed ibn Hanbal, il les a écrasés, il les a réfutés avec un argument yani, qui est à la base du, dans le Coran, dans la Sunna, mais en même temps qui est rationnel. Il a dit, il y a trois possibilités. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le monde à l'intérieur de lui-même. Soit qu'il a créé le monde à l'extérieur de lui-même. Un des deux, il n'y a pas d'autre choix. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est justement au-dessus de sa création, il enveloppe tout. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre, il va les fermer dans sa main. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus grand que toute la création. Et il l'enveloppe avec sa main. Comme quelqu'un qui prend un grain de sable, il le met dans sa main. Allah subhanahu wa ta'ala, il prend l'univers, il le met dans sa main. Il est au-dessus de tout. Et il n'y a rien qui lui ressemble. Hein? Et il est au-delà de son trône. Et donc c'est pour ça qu'on doit croire et comprendre à ces choses-là, parce qu'il y a des gens qui ont joué avec ça, qui ont essayé d'égarer les musulmans avec ces idées-là, et qui croient maintenant que, comme les chrétiens, comme les autres groupes de shirk et de kouf, que Allah est partout et dans tout. Et vous voyez même des mouchikines, des hindous, qui adorent plein d'idoles. Ils mettent des idoles partout et tout, et des statues. Ils adorent la vache, ils adorent des êtres humains, ils adorent des pierres, ils adorent des animaux. Et qu'est-ce qu'ils disent pour justifier ça, si tu leur demandes? Ils vont dire, Allah il est partout. Allah il est dans les idoles, il est dans les animaux, il est dans les êtres humains, donc on l'adore. On n'adore pas ces choses-là, on adore Dieu qui est présent à l'intérieur de ces choses-là. C'est comme ça qu'ils essaient de justifier le shirk. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas dans sa création, il est séparé de sa création, il est au-delà de son trône. Hein? Et on n'a pas le droit d'adorer rien en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de prendre quoi que ce soit comme intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme le cheikh il a clarifié tous ces points-là pour nous faire comprendre ça, il dit « wa hadhihi anwa' al-tawhid al-thalatha wa 'alaqatu ba'daha bi ba'd anna tawhid ar-rububiyyah mustalzim li tawhid al-uluhiyyah bima'na anna man aqarra bi tawhid ar-rububiyyah lazimahu an yuqarra bi tawhid al-uluhiyyah wa yaqumu bihi faman 'arafa anna Allaha rabbahu أن الله ربه وخالقه لزمه أن يعبده وحده لا شريك له كما قال تعالى وأنا ربكم فاعبدون وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد الإلهية فمن عبد الله وحده ولم يشرك به شيئا فقد اعتقد أنه ربه وخالقه وتوحيد الأسماء والصفات داخل في توحيد الربوبية وهو جزء منه وتوحيد الربوبية والألوهية تارة يذكران معا وسيفترقان في المعنى ويكون احدهما قسيما للاخر كما في قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس وتارة يذكر احدهما منفردا عن الاخر فيجتمعان في المعنى كما في قول الملكين للميت في القبر من ربك ومعناه من الهك وكما في قوله قل أغير الله أبغي ربا وقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا إن الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله دونك سسال شيخ الزفة الربوبية المذكورة في هذه الآيات وأمثالها هي الآيات وليست قسيمة لها وما ضمن قد عرفنا التوحيد فلا بد أن نعرف ضده لأن الأشياء تعرف بأضدادها وبضد هذا تتميز الأشياء. Donc on va s'arrêter ici inshallah et on expliquera inshallah demain la suite des détails de cette conférence inshallah du Cheikh Al-Fawzan sur la question du tawhid. Le Cheikh il explique en fait en général que ces trois catégories de tawhid là, elles sont toutes interreliées. Elles ont toutes un lien les uns avec les autres, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire, je crois juste en une de ces catégories-là, puis rejeter les autres. Il faut, si tu en affirmes une, affirmer toutes les autres qui viennent avec. Et donc c'est ça, une est impliquée par l'autre. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, quand il nous appelle à l'adorer lui seul, la plupart du temps, lorsqu'il mentionne l'ordre de l'adorer lui seul, il mentionne comme argument le fait qu'il est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur. Et donc, ar-rububiyya, c'est la justification et c'est la preuve pour confirmer que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et c'est ça l'argument. Et ça, tu peux utiliser ça contre n'importe qui prétend croire en Allah subhanahu wa ta'ala et qui adore d'autres que lui. Tu lui dis, comment vous adorez d'autres que lui et vous affirmez que c'est lui seul qui est le créateur et le maître? C'est une contradiction. Et donc comme je disais, on va s'arrêter ici, on expliquera les détails de ça, Inch'Allah, demain si on a la possibilité, Inch'Allah. Puis on va expliquer, comme le cheikh il a dit, étant donné qu'on a compris maintenant, en résumé, qu'est-ce que c'est le tawhid. Demain, Inch'Allah, on expliquera qu'est-ce que c'est le shirk, puisque le shirk c'est le contraire du tawhid. Donc on expliquera ça demain, on donnera des exemples, et puis on essaiera d'augmenter notre compréhension à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته